La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est un champ de recherche qui n'en finit pas de révéler de nouvelles connaissances en même temps qu'il passionne le grand public, celui concernant la vie secrète des plantes. Et au cœur de ses travaux figure la capacité des végétaux à percevoir leur environnement et la façon dont ils s'adaptent aux modifications de leur milieu. Le biologiste Bruno Moulia est spécialiste de la biomécanique des plantes à l'INRA. Il étudie le développement spatial et la croissance des plantes liées par exemple aux effets du vent ou à la gravité. Il est mon invité dans un instant pour évoquer justement la sensibilité des plantes face aux événements quotidiens dans la nature, et vous pouvez lui poser dès maintenant toutes vos questions en nous retrouvant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science, aujourd'hui on part au Pérou, dans la cordillère des Andes. Et oui, on va échanger avec le scientifique Samuel Vergès, qui revient à peine avec son équipe d'une étude menée dans la ville la plus haute du monde, à 5300 mètres d'altitude. Il va nous parler de l'adaptation des corps à des altitudes aussi dantesques. On verra que c'est pas simple du tout, même pour des scientifiques. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique santé et polémique du docteur Dupin, consacrée cette semaine au bilan de santé. Frédéric Milano réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Miss Chantal de Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Bruno Moulia. Bonjour. Bienvenue, vous êtes biologiste spécialiste donc de la biomécanique des plantes et directeur de recherche à l'INRA, au sein d'un charmant laboratoire qui porte le nom de PIAF, c'est oui, ça oui, hein PIAF, parce que les PIAF aiment les arbres, vous savez. Oui, comme physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant, c'est moins bucolique. Oui, mais... je suis d'accord. Mais c'est à l'université Clermont-Auvergne. À quoi s'intéresse la biomécanique des plantes exactement? Alors c'est une petite révolution dans le vivant en fait qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Si on pense au vivant, en général on pense beaucoup à la chimie. Par exemple pour les plantes, vous allez penser aux odeurs, à tous les processus biochimiques qu'il y a dans les plantes. Et puis on s'est aperçu qu'en fait la mécanique jouait beaucoup dans leur façon de se comporter. D'ailleurs, vous ne serez pas surpris si vous pensez à qualifier votre état, vous allez plutôt dire que vous êtes tendu, que détailler la chimie qui est en vous. Et bien pour les plantes, c'est pareil, on s'est aperçu que c'est très important, tous les états mécaniques, et qu'elles le sentent beaucoup. Ouais, mais c'est quoi justement la mécanique d'un végétal? Alors, il y a plusieurs origines des forces qui vont agir sur lui. Il y a des origines internes, il est sous pression, je ne sais pas si vous savez, mais les cellules végétales, elles sont remplies d'eau, une sorte de chambre à eau, comme dans un pneu, sauf que la pression là-dedans, elle est de 5 bars, c'est-à-dire deux fois plus qu'un pneu de voiture. Ouais. Donc il y a beaucoup de pression et il faut qu'elle le contienne pendant la croissance. Elle l'utilise, mais elle la contienne. Et puis évidemment, il y a tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire le vent et la gravité. Ouais. Cette pression, donc, elle est absolument essentielle, évidemment, au maintien d'un certain équilibre chez la plante. Hein. Absolument, oui. Enfin, pour toutes les parties vertes, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire, soit les petites plantes, soit les bouts des branches des arbres. Celles-là, elles sont tenues par la pression. En fait, c'est une sorte de pression qui leur permet à la fois de tenir, mais aussi de grandir. C'est sous l'effet de la pression qu'elles vont grandir. Alors, Bruno Moulia, on va parler beaucoup avec vous des effets du vent, justement, sur les plantes. Alors, c'est absolument fascinant parce qu'on se rend compte, et on ignore d'ailleurs en les observant, à quel point les plantes sont sensibles à l'environnement qui est le leur, et le vent bien sûr. Ben oui, comme vous dites, bien sûr. Mmh. Et bizarrement, on l'a ignoré pendant longtemps. Parce que si vous pensez, dès que les plantes sont sorties de l'eau, elles ne pouvaient plus être portées, elles ne peuvent pas flotter, et donc il a fallu qu'elles se redressent. Mais en se redressant, elles s'exposent au vent. Elles ont une sorte de voilure, vous voyez, c'est le feuillage, et puis on peut dire que la tige est comme un bras de levier, donc en plus c'est encore plus dangereux pour elles. Et donc l'évolution a sélectionné une grande sensibilité, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter aux situations qu'elles rencontrent. Ouais. Et le vent alors, et dans des cas extrêmes, les tempêtes, la plante s'adapte facilement, ou au contraire c'est assez préjudiciable? Alors, ça peut être préjudiciable, vous le savez bien, les tempêtes, c'est à l'heure actuelle le même, d'un point de vue économique, le premier problème qu'on a dans la forêt française, par exemple. Mais elles s'y adaptent quand même très bien, c'est-à-dire on ne se rend pas compte que la plupart du temps, elles s'en sortent quand même pas mal. Et elles vont donc sentir beaucoup de choses pour mettre la meilleure croissance à l'état d'exposition qu'elles ont. Ouais. On en parlait récemment, les plantes sont sensibles aussi au simple fait de les toucher. Alors là, on parle du vent, mais aussi de poser simplement un doigt sur une plante. Oui, vous pouvez essayer quand vous rentrez chez vous avec votre plante. Ça provoque des réactions, c'est vrai? Oui, ça provoque des réactions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les plantes sont sensibles aux stimuli donc mécaniques, par exemple, comme le toucher, qui sont un peu inhabituels. C'est-à-dire que petit à petit, elles vont s'habituer. Mmh. Mais dans l'appartement, par exemple, il n'y a pratiquement pas de stimulus mécanique quand on va la toucher. Elle va sentir très fort, oui, ce que vous avez fait. Oui. Par contre, elle va pas identifier que c'est vous. Je pense pas, vous serez un peu déçu, mais oui, elle va interpréter ça soit comme du vent, soit comme un herbivore. Oui. Nous avions, il y a quelque temps de ça, un Mimosa pudica dans le bureau de la Tête au Carré. Ah, malheureusement, oui, le pauvre a pas duré longtemps, parce que tout le monde s'amusait à le toucher avec le bout du stylo. Oui. Parce qu'évidemment, on le voyait se rétracter devant nous, donc c'était très très drôle, mais on n'aurait jamais dû le faire, en fait, finalement. Alors, il y a, effectivement, on peut le fatiguer un peu, hein, parce qu'à chaque fois, il est sensible, mais aussi il fait un mouvement, donc ça lui consomme de l'énergie, donc vous pouvez le fatiguer un peu. Il peut aussi qu'il n'y avait pas assez de lumière ici, hein, je ne sais pas trop dire. Ah si, si, si, dans le bureau, lumière, il y a beaucoup de lumière. Dans le bureau, d'accord. Et donc du coup, mais par contre, il y a aussi, ça a été montré, qu'il s'habitue, c'est-à-dire que des fois il ne réagit plus, mais ce n'est pas parce qu'il est fatigué, c'est qu'il a vu que vous n'étiez pas dangereux et donc il ne fait plus rien. Bien, et bon, on a plein de choses à se raconter dans un instant et des questions également des auditeurs qui nous rejoignent donc en direct sur franceinter.fr. Bruno Moulia, vous êtes aujourd'hui l'invité de la Tête au Carré. Héloïse, aujourd'hui à la Une de la Science, on prend des nouvelles d'un projet scientifique qu'on suit de très près ici à la Tête au Carré. Oui Mathieu, on avait reçu à la fin de l'année dernière dans l'émission Samuel Vergès à la tête de l'expédition 5300. À l'époque, il préparait son départ avec son équipe à la Rinconada, la ville la plus haute du monde, qui culmine à 3500 mètres. 5300, oui, absolument. Pour travailler sur les effets de l'altitude sur le corps humain. Alors l'expédition touche à sa fin et on part tout de suite au Pérou où se trouve encore Samuel Vergès pour quelques jours. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur INSERM, responsable de l'équipe du laboratoire hypoxie-physiopathologie de l'université Grenoble-Alpes et responsable du projet Expédition 3500. 5300, Héloïse. 5300, mais qu'est-ce qui se passe avec ce... qu'est-ce qui se passe avec ce chiffre? Je suis fâchée avec les chiffres, on va essayer de surprendre. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes toujours à 5300 ou vous êtes un peu redescendu? Alors, on est un petit peu plus en pleine relative, je dirais. On est sur l'altiplano à 3800 mètres d'altitude quand même, dans la ville de Puno, où de nombreux habitants vivent quasi normalement, et nous, on commence à s'y habituer. Et vous avez passé donc un jour beaucoup plus haut à la Rinconada. Comment est-ce que vous êtes senti avec votre équipe à cette altitude? On imagine ça un peu éprouvant pour les organismes. Oui, ça l'est, des habitants de plaine comme toute l'équipe qui se rendent si haut et puis en quelques heures ou quelques jours, ça, c'est forcément s'exposer à des réactions de l'organisme parfois difficiles. C'est ce qu'on appelle le mal aigu des montagnes et donc toute l'équipe a été touchée plus ou moins fort par ces problèmes-là, c'est-à-dire de la fatigue, des nausées, des mal de tête, des problèmes de sommeil durant les premiers jours en particulier, et puis malgré tout, au bout de plusieurs semaines, on n'est jamais complètement adapté et la vie et le travail là-haut pour nous reste encore très difficile. Et pourtant vous étiez préparé. Oui, voilà, on avait déjà une expérience tous de l'altitude, mais malgré tout, des organismes habitués à la plaine comme nous, d'un coup si haut, c'est forcément difficile pour vivre et encore plus pour travailler. Dans quelle mesure la quantité d'oxygène est réduite à 5300 mètres? Alors dans la ville de la Rinconada, qui a plus de 5000 mètres d'altitude, donc c'est moitié moins d'oxygène disponible qu'au niveau de la mer. Donc c'est vraiment un stress environnemental très très important, qui est difficile pour nous, habitants de plaine, mais qui reste quand même aussi difficile pour des habitants qui sont là depuis des générations. C'est quand même à peu près les limites de ce que l'organisme humain peut tolérer en termes d'habitat permanent. Rappelez-nous les objectifs de l'expédition. Pourquoi vous êtes monté si haut? Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir? Alors de fait, on a été la première équipe scientifique à se rendre dans cette ville la plus haute du monde pour voir comment des hommes peuvent vivre en permanence dans ces conditions-là, sachant que on pensait jusque-là que l'altitude maximale à laquelle l'homme pouvait habiter était de l'ordre de 5000 mètres. Et là, on avait plus de 50 000 habitants qui vivaient à plus de 5000 mètres d'altitude. Donc on a cherché à comprendre quelles étaient les adaptations possibles de l'organisme humain à l'hypoxie, c'est-à-dire au manque d'oxygène. Mais on a aussi cherché à étudier quelles sont les maladaptations, les intolérances au manque d'oxygène qu'ont développé une partie de cette population. Il y a à peu près un quart de la population, en fait, qui présente des troubles de santé du fait du manque d'oxygène. De manière générale, comment les corps s'adaptent à des altitudes aussi extrêmes? Qu'est-ce qui se passe dans les corps? Alors les adaptations, je dirais, les plus spectaculaires, c'est d'abord au niveau sanguin, au niveau hématologique. Il y a une production supplémentaire de globules rouges très très importante, alors qui est nécessaire pour pouvoir améliorer le transport de l'oxygène au niveau sanguin et compenser au moins en partie le manque d'oxygène dans l'air respiré. Mais cette augmentation de quantité de globules rouges, d'hématocrite au niveau sanguin, elle est telle chez ces habitants-là, tellement importante, qu'au bout d'un moment, elle a des effets délétères, en particulier sur la fluidité, sur la viscosité du sang. Le sang devient très très risque chez ces habitants-là, au point que la circulation devient difficile et que tout l'appareil cardiovasculaire, les vaisseaux, le cœur, force normalement, au point de développer, comme je le disais tout à l'heure, chez certains habitants, des problèmes de santé spécifiques. Donc, ce qui veut dire, Samuel Vergès, que même les personnes qui habitent sur place et depuis très longtemps ne s'habituent pas finalement à la haute altitude, donc cette condition n'est pas normale pour un être humain. Alors voilà, ces niveaux d'altitude-là, avec, comme je disais, plus de la moitié d'oxygène de moins que par rapport au niveau de la mer, on touche là vraiment aux environnements maximum auxquels l'organisme lui-même peut s'adapter. Et il y a des grosses différences interindividuelles. Certains arrivent à s'adapter à peu près, alors que d'autres vraiment développent des intolérances à cet environnement-là. Certains doivent même redescendre de cette ville parce qu'ils ne peuvent pas y résider et y travailler en permanence. Et est-ce qu'on sait si l'espérance de vie de la population est diminuée ou ça reste mystérieux? Alors il faut savoir que c'est une population qui a à peu près aucun suivi médical, donc on a très très peu d'informations, et comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment la première équipe de scientifiques à se rendre dans cette ville, donc on n'a pas d'idée précise sur l'espérance de vie là-haut, mais globalement, disons, avec les observations qu'on fait, on voit bien qu'il y a très peu de personnes très âgées, donc forcément un environnement comme ça et les contraintes physiologiques qui sont imposées réduisent probablement fortement l'espérance de vie. Vous aviez un laboratoire CIO, vous avez fait beaucoup d'examens biologiques, comment vous avez procédé? Alors on s'est déplacé, on a recréé sur place un véritable laboratoire, une quasi-clinique, je dirais, qui permet d'évaluer de multiples aspects de la santé, des caractéristiques physiologiques de ces habitants-là. On avait tout un arsenal, je dirais, de matériel scientifique qui permettait d'évaluer les patients, depuis la génétique, l'épigénétique, la biologie, jusqu'à l'appareil cardiovasculaire. On avait même des possibilités de faire des tests d'effort et des évaluations complètes du sommeil de ces habitants-là. Donc on avait vraiment une évaluation exhaustive des caractéristiques physiologiques de ces habitants. Et d'ailleurs, le sommeil est aussi altéré quand on monte très très haut? Oui, alors l'exercice physique et le sommeil sont deux conditions sensibles, je dirais, lorsque l'on est en condition d'hypoxie, de manque d'oxygène. Le sommeil en particulier est une période de sensibilité importante face à l'hypoxie, avec le déroulement de ce qu'on appelle des phases d'apnée du sommeil ou des perturbations respiratoires au cours du sommeil, qui sont, c'est notre hypothèse, probablement associées justement à des phénomènes d'intolérance supplémentaires à cet environnement hypoxique de haute altitude chez ces habitants-là. Vous allez poursuivre les analyses une fois rentré en France. Vous rentrez dans deux jours, hein, c'est ça? Vous ramenez des échantillons dans vos bagages? Oui, alors c'est toute la complexité aussi de ce projet-là, c'est que il a fallu se rendre sur place, il a fallu travailler pendant plusieurs semaines dans ces conditions-là, et maintenant il faut ramener tout le matériel biologique, en particulier les prélèvements sanguins, plus de 1000 prélèvements sanguins, et ramener dans des conditions de congélation optimales. Donc c'est ce que l'on gère actuellement dans ces derniers jours, pour pouvoir ramener donc tout ce matériel biologique et toutes ces données dans nos laboratoires en France, et puis pouvoir maintenant se lancer dans plusieurs mois d'analyse et de communication de ces résultats qui seront, c'est sûr, assez exceptionnels. Samuel Vergès, il paraît que quand on rentre en plaine après un long séjour en altitude, on a une patate d'enfer, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, alors tout le monde nous dit ça. Certes, on va revenir nous-mêmes avec quelques globules rouges en plus, oui. Mais on revient surtout avec une très très grosse fatigue. Ouais. On va mettre pas mal de jours et pas mal de semaines à récupérer. Donc au total, on va surtout être plus fatigué que la normale. Et puis nos globules rouges supplémentaires, au bout de quelques semaines, ils vont disparaître. Voilà. Ouais. Donc ça sera la fin de notre adaptation à l'altitude. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes donc au Pérou, à 3800 mètres d'altitude. Vous êtes redescendu, on le disait tout à l'heure, par rapport à votre tout altitude à de 5003. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Samuel Vergès. Merci à vous. Bruno Boulias, qui est de la végétation dans des hauteurs aussi importantes. On aurait pu poser la question à Samuel Vergès. Oui, il l'aurait dit mieux que moi, ouais. Parce qu'il y était. Apparemment, c'est très lunaire. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a rien. Ouais. Même j'ai de la Puna, qui est déjà en dessous, là où c'est dans l'altiplano, il n'y a quasiment rien. C'est très lunaire, ouais. Et très désertique. Donc la végétation a du mal à... toutes petites plantes, très adaptées, toutes petites. Ouais. Merci beaucoup, Héloïse. À demain. Et à demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des archéologues mexicains ont découvert des centaines de vestiges de grande valeur. Ça s'est passé dans une grotte située sur le site Maya de Chichen Itza, dans le Yucatan, au sud-est du Mexique. La trouvaille compte 7 offrandes, notamment des brûleurs d'encens en céramique. Il s'agit en fait d'une redécouverte. La grotte avait été trouvée il y a plus de 50 ans par la population locale, mais pour une raison inconnue, son entrée avait été murée. Les scientifiques espèrent que la datation de ces vestiges permettra de savoir qui étaient et d'où venaient les Itzaé, le peuple maya qui vivait dans la péninsule du Yucatan. Le paludisme serait apparu bien avant que ce que l'on croyait grâce à des études génétiques approfondies menées sur 479 individus issus de 13 populations d'Afrique subsaharienne. Les chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS ont pu révéler que le paludisme serait apparu en Afrique il y a au moins 20 000 ans et non il y a 5 000 ans au moment de l'adoption de l'agriculture comme on le pensait jusqu'à maintenant. Les travaux sont publiés dans la revue American Journal of Human Genetics. Le paludisme reste responsable de centaines de milliers de décès chaque année, essentiellement des enfants et plus particulièrement en Afrique. Et puis chez le poisson zèbre, le sperme le plus vieux est celui qui engendre la progéniture en meilleure santé. Non seulement les poissons issus du sperme plus âgé vivent plus longtemps, mais ils produisent eux-mêmes du sperme de meilleure qualité tout au long de leur vie. Cette découverte étonnante pourrait remettre en cause nos connaissances sur la reproduction, car jusqu'ici on pensait que la sélection du sperme avait peu d'influence sur la descendance. Si ces conclusions s'avéraient valables chez l'homme, elles pourraient avoir à terme un intérêt dans les procédures de fécondation in vitro. Allez, la vie secrète des plantes dans un instant, mon invité Bruno Moulia. On se fait des lignes en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mas à gauche, Kang à droite. Glace, un paquet cool, un badge avec un inscrit dessus. Keep cool. Une barre de chocolat, un Coca-Cola. On se fait des lignes en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Ford Mustang, Birkin et Gainsbourg. La tête au carré, Mathieu Vidard. Nous sommes maintenant dans une période extraordinairement favorable en ce qui concerne les progrès de la connaissance des plantes. Personnellement, j'ai jamais vu une période aussi favorable que celle-ci. Nous sommes submergé, je dois dire, de découvertes nouvelles qui viennent de laboratoires du monde entier. Et petit à petit, il apparaît une plante qui n'est plus du tout celle que j'avais connue quand j'étais gamin. Les plantes changent énormément. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de vous démontrer que les plantes sont intelligentes. Je voudrais simplement vous donner les faits et vous laisser le soin, eh bien, de juger par vous-même. Voilà, c'est la voix du grand biologiste Francis Allais. C'était extrait d'une conférence donnée au Québec en 2018, donc l'année dernière. Et Bruno Moulia, vous êtes avec nous, biologiste et spécialiste de la biomécanique des plantes. On parle donc avec vous de sensibilité des végétaux à leur environnement. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors c'est vrai que Francis Allais a roulé sa bosse, hein. Évidemment, ça fait depuis de très nombreuses années qu'il fait ce métier-là. Et là, il assiste finalement à cette profusion de découvertes qui est absolument incroyable. Pour toute la nouvelle génération là, qui arrive, c'est incroyable finalement ce qui se passe dans votre domaine. Hein. Oui, je suis d'accord avec lui, hein. Je suis d'accord avec Francis. En fait, là, on est quand même en train de vivre une époque extraordinaire de la chance. Hein. C'est en partie grâce à nous, mais pas seulement. C'est aussi la conjonction de plein de découvertes à la fois. Vous savez, il y a un temps d'emballement. Et donc, pour tout le monde, là, c'est une remise en cause assez profonde de ce qu'on pensait des plantes, de ce que d'ailleurs tout un chacun pensait des plantes. Ouais. À la fois, méconnaissance, hein, finalement. Oui. C'est-à-dire, les plantes sont, Francis a beaucoup insisté là-dessus, les plantes sont très différentes de nous. Hein. Notre dernier ancêtre commun, c'était un petit unicellulaire, une petite cellule qui se baladait dans les océans. On a divergé extrêmement longtemps. Donc, on a assez peu de choses en commun, mais c'est quand même le même vivant. On est des cellules, on a de l'ADN, il y a des choses en commun. Et on a aussi des expériences de vie qui peuvent se retrouver. Par exemple, quand on est sur la terre ferme, nous sommes sortis de l'eau et les plantes aussi. C'était quand d'ailleurs, la sortie de l'eau des plantes? Alors, c'est très tôt. Hein. Dans le primaire, en fait, les premières plantes érigées, puisque c'est ça dont on va parler, c'est le dévonien, c'est 380 millions d'années. C'est les plantes qui arrivent à se dresser? Oui, c'est quand elles commencent à se redresser. Avant, aussi du rien, elles sortent de l'eau, mais c'est plutôt des trucs rampants. Enfin, voilà. Et ensuite, elles commencent à se redresser, et là, elles vont explorer, du coup, un espace beaucoup plus grand, parce qu'elles peuvent aller en hauteur. Et donc, on va voir se créer les toutes premières forêts, vous savez, le carbonifère qui a donné tout le charbon, et donc, on va voir une profusion et une diversité incroyable, d'ailleurs, de formes végétales. Tout ça, ça a pris du temps, évidemment. Hein. Ah oui, bien sûr. La première forêt n'est pas arrivée comme ça. On parle de millions et de millions d'années, hein, donc c'est quelque chose qui est lent, effectivement. Mais ceci dit, elles vont trouver quand même relativement rapidement la façon de s'élever, et plusieurs types, à la fois chez les fougères, qui vont faire de très grandes plantes, et puis ensuite les protoconifères, les premières choses qui ressemblent, on va dire, au pin et au sapin, vont aussi se lancer dans les airs. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été tentées et recherchées par l'évolution. Ouais. Alors, Bruno Moulia, pour rester un tout petit peu sur ce que disait Francis Allais il y a un instant, cette profusion de connaissances, finalement, elle est liée à quoi? C'est parce qu'on dispose de nouveaux outils aujourd'hui qui permettent d'aller plus loin dans l'exploration des végétaux? Comment on explique ça? Oui, c'est en partie une question d'outils, effectivement, on a de nouveaux outils. Par exemple, nous, on utilise beaucoup des systèmes de centrifugation, comme un peu qu'on fait sur les cosmonautes, vous savez, qui ont été développés pour les cosmonautes. Voilà. Donc ça, c'est des choses un peu dont on disposait pas il y a si longtemps que ça. Et puis, il y a tout un tas d'imagerie, en fait. C'est l'imagerie qui est le plus... C'est comme dans le médical, l'imagerie a révolutionné les choses. Nous, on passe notre temps à les regarder. Donc ça nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Ça nous permet aussi de quantifier des choses qu'on ne pouvait pas quantifier. Donc il y a ça, mais il y a aussi quand même, c'est pas suffisant les techniques. Il faut avoir des questions, il faut avoir des points de vue qui changent, et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Surtout, je pense, la révolution, elle vient du fait qu'on s'autorise des points de vue qu'on ne s'autorisait pas à avoir avant. On avait tendance à séparer. Vous savez, on parle de règne, hein, vous connaissez ce terme-là, c'est un mot fort. Donc on voulait vraiment séparer chacun des règnes, et à l'heure actuelle, on s'interroge, on se dit, ah oui, est-ce que ça c'est pareil ou différent? On se pose des questions. Ouais. On voyait Francis Allais prononcer ce mot d'intelligence avec beaucoup de mesures et de précautions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est un débat récurrent. On l'a déjà eu d'ailleurs avec Francis plusieurs fois. L'intelligence des arbres, oui, ça a un sens de dire comme ça? Alors, c'est toujours un problème de définition. C'est toujours un problème de définition. Si on accepte la définition la plus basique de l'intelligence, qui consiste à dire que c'est une manière de solutionner des problèmes pendant sa durée de vie, et bien dans ces cas-là, je pense que non seulement les plantes sont intelligentes, mais aussi même les bactéries, hein, vous voyez. Ouais. Après, si on veut être un peu plus précis, et pas juste dire est-ce qu'il y a de l'intelligence ou pas, mais essayer de se rendre compte, on est obligé de la définir plus précisément. Donc on va scinder ça. C'est-à-dire on va dire par exemple, est-ce qu'elle est capable de sentir d'abord, parce qu'il faut être informé du monde pour pouvoir réagir à ce monde-là. Est-ce qu'elle est capable de mémoriser? Est-ce qu'elle est capable de faire des calculs? Est-ce qu'elle est capable d'associer? Vous savez, comme le chien de Pavlov. Voilà. Donc, si vous faites pas à pas, et c'est ce qu'on parcourt actuellement, hein, c'est vraiment cette démarche-là qu'on est en train de parcourir, alors vous pouvez ensuite vous décider, on peut discuter d'ailleurs, est-ce que ça c'est vraiment très intelligent, pas très intelligent? Et alors, c'est le cas ou pas? Est-ce qu'un arbre est capable de mémoriser, de faire des calculs, par exemple? Absolument. Ouais. Nous, par exemple, on a fait une très belle expérience en forêt de... dans une forêt de hêtres dans l'est de la France avec nos collègues de Nancy et on suivait les arbres, je vous le disais au début, ils sont sensibles au vent, ils sont très sensibles au vent et on suivait comment ils leur réponse de croissance, la croissance en diamètre du tronc répondait à leur sensibilité au vent, à la perception du vent. Et on a été surpris, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mémoriser les vents qu'ils ont déjà connus. Ils vont donc garder ça au moins pendant au moins une semaine, mais probablement plus, peut-être un mois. Et ça leur permet de commencer à s'habituer aux vents habituels qui sont pas très risqués. Je sais pas si vous avez déjà fait de la voile, mais il y a des vents thermiques qui sont des vents qui viennent simplement chaque jour dans l'été, par exemple, parce qu'il fait chaud. Et ces vents-là, en général, ne sont pas très risqués. Donc, c'est des vents courants, et les arbres n'ont pas à y répondre, ça sert pas à grand chose, c'est pas très adaptatif. Et puis par contre, de temps en temps, il y a une dépression qui arrive, une tempête, et là ça leur indique d'où viennent les tempêtes. Et là ils vont répondre, et donc on a montré ça. Donc ils font un tri. Mais dans quoi ils gardent cette mémoire? Ils n'ont pas de cerveau, les arbres? Alors effectivement, donc ils n'ont pas de cerveau, ça c'est clair. On sait pas très bien. Ouais. On est en train d'étudier au laboratoire, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur les mécanismes moléculaires. Alors vous savez que les plantes comme nous ont des potentiels d'action, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui circulent dans nos nerfs, vous savez, l'activité électrique, elle existe aussi chez les plantes, mais il y a d'autres manières aussi de mémoriser. Par exemple, il y a tout un travail, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire de pouvoir mettre des petites marques dans l'ADN. Donc on est en train de commencer simplement cette découverte-là. Et il reste plein de choses à faire. Ah oui, c'est passionnant pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. Edith demande, est-ce que les plantes sont sensibles au son de nos voix par exemple? Oui, c'est une bonne question pour la radio. Ouais. La réponse est oui. On le sait un peu mieux depuis pas très longtemps. J'ai d'ailleurs un ancien étudiant qui maintenant a sa propre équipe et qui travaille là-dessus, hein, à Toulouse. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a une sensibilité au son. Je parle bien au son, pas la musique, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Et elles le perçoivent, et ça fait sens parce qu'il y a énormément de sons qui peuvent leur amener une information. Donc on comprend pourquoi l'évolution a pu sélectionner cette capacité de répondre. Par exemple, il y a une étude australienne qui suggère assez bien faite, hein, qu'elles perçoivent le son des rivières. Donc ça permet aux racines d'aller dans la bonne direction. En l'absence, par exemple, de gradient d'humidité, les racines, c'est une espèce de tête chercheuse, hein, ça passe son temps à aller chercher où il faut aller. Et donc, s'il y a un gradient d'humidité, bon, c'est facile, elles le suivent, mais des fois, c'est sec jusque assez près de la rivière. Et donc, le son, par exemple, peut les aider. Faites écouter la tête au carré à vos ficus, hein, vous verrez, vous en tirez de très grands bénéfices. Bruno Moulier, notre invité cet après-midi. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. « Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous, le destin, pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps se fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être. Trop beau, c'était Lompal à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Bruno Moulia, biologiste spécialiste de biomécanique des plantes, notre invité cet après-midi pour répondre également aux questions des auditeurs qui arrivent nombreux sur le site de l'émission. Olivia demande s'il faut tuteurer les jeunes arbres ou les laisser s'adapter au vent. Alors ça nous intéresse parce que c'est un grand pan de vos recherches aussi, hein, le oui, vent. Oui, c'est la partie appliquée effectivement de nos recherches, ouais. Du coup c'est une bonne question, ouais. Parce qu'on a toujours tuteuré. Alors en général, on tuteure les arbres parce qu'on les plante, ouais. Donc on a mis une motte ou alors rien que des racines. Ça c'est un tuteurage. Non, le tuteurage c'est de mettre un piquet, ah oui, d'accord. Et qui tient la plante. Mais pourquoi on la tient? Parce que dans la nature, vous avez jamais vu de piquet. Il y a des plantes grimpantes, mais là, il s'agit pas de plantes grimpantes. Ce sont des plantes qui sont capables de se tenir toutes seules. Donc, pourquoi on leur met un piquet? C'est parce qu'en général, on a mis une motte, et cette motte, on l'a plantée, et là, elle n'est pas très stable. Et donc, pour empêcher que quand il y a le premier coup de vent, ça fasse comme culbuto, vous voyez, c'est toute la motte qui part, ou alors juste les racines, si on a mis des racines nues, eh bien, on met un piquet. Le problème, c'est que quand on fait ça, on empêche l'arbre de sentir qu'il est dans le vent, parce que ce qu'il sent, c'est la flexion de sa tige. Vous voyez, c'est un peu comme vous et moi d'ailleurs, quand il y a du vent, vous sentez que si le vent est fort, vous sentez que ça vous pousse dessus, ouais. Et lui, il sent ça, et donc vous l'empêchez. Or, quand l'arbre sent qu'il y a du vent, il se fait plus costaud en diamètre, il fait plus de diamètre et surtout il fait plus de racines. Et donc là, vous êtes en train de le fragiliser et d'empêcher que le problème se résolve. Donc on le laisse se débrouiller. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arriver, enfin ce que nous on recommande en tout cas, c'est qu'il faut arriver à stabiliser la motte, et ça, il vaut mieux mettre des cordes, des cordages ou même des barres au sol. C'est-à-dire qu'il faut mettre par-dessus, au niveau du sol, quelque chose qui va tenir la motte pour pas qu'elle parte, parce que ça, c'est un problème. Mais laisser autant que possible le tronc pouvoir bouger. Donc il a les ressources pour devenir plus costaud, vous le dites, en ayant un tronc plus épais, finalement. Oui, c'était et un système racinaire aussi. Oui, en 2016, on a découvert que c'était en fait peut-être l'un des premiers facteurs de la croissance en diamètre des arbres. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce qui produit le bois. Le vent? Le vent. Parce que, et ça fait sens, en fait. L'arbre peut pas risquer d'être cassé. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui pose un gros problème. Les arbres peuvent être cassés, ils en sortent quand même, hein, c'est pas, mais n'empêche que c'est un gros coup. Et donc, l'évolution a trouvé des solutions par la sélection. Et cette solution, ça consiste à faire que l'arbre soit très sensible au vent, qu'il perçoive les déformations, en particulier dans la petite couche de cellules souches qui se trouve sous l'écorce, qui est celle qui fait le bois, qui sent très bien si elle est déformée, et qui donc va réagir très fortement. Et nous, on est arrivé à doubler la production de bois. Simplement, si justement on tuteure les plantes, on la réduit de moitié. Incroyable. Alors, on a tuteuré des grands arbres, alors c'est plus difficile que les petits arbres dans lesquels pensait votre éditrice, hein. Mais on a tuteuré des grands arbres avec des haubans, et on a montré ça. Et tout le monde était surpris. Hein, ah oui, et donc ça épaissit l'écorce également? Alors l'écorce s'épaissit aussi, oui, mais la principale réponse, c'est la réponse du bois, hein, qui évidemment est plus épais. Vous voyez bien, dans un tronc, il y a un petit peu d'écorce et beaucoup de bois, donc il va s'accumuler au cours du temps, et qui va lui permettre de se remettre en sécurité, en fait. Ouais. Donc quand on choisit une essence d'arbre, il faut faire attention également dans quel environnement on vit, puisque le simple fait d'être dans un endroit très venteux va jouer sur la croissance de l'arbre. Alors oui, absolument. Donc effectivement, on peut choisir l'essence. Ça, les forestiers le savaient, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des essences qui sont un peu plus cassantes que d'autres. Ouais. Donc ça, ils savaient déjà. Mais par contre, ce à quoi on faisait moins attention, c'est qu'en général, les arbres sont quand même capables de s'adapter à la situation. Donc on appelle ça acclimater, ça, c'est mettre en lien avec le climat de l'endroit. Et du coup, faut imaginer, hein, en fait, imaginer deux graines qui tombent du même arbre. Une peut tomber derrière un rocher, par exemple, et l'autre, juste un peu plus loin, il y en a une qui va être en plein vent et l'autre pas. Et donc, c'est très important que, pour une plante de pouvoir estimer la situation d'exposition qu'elle a. Et par exemple, si un arbre qui pousse en forêt, si on vient et qu'on fait une coupe rase autour, dans la parcelle juste avant, on l'expose beaucoup plus. Mmh. Et donc, les arbres passent leur temps à réagir, à percevoir le vent et à réagir. Ouais. Parce que rester droit pour un arbre, finalement, c'est un effort de tous les instants, alors. Hein. Ah oui, alors... D'abord par rapport au vent, comme on l'a dit, mais pas uniquement par rapport au vent. Parce qu'en fait, et c'est ça c'est une chose qu'on peut bien comprendre, parce que nous, on le ressent aussi. C'est-à-dire que comme les arbres, nous sommes des êtres érigés, on est debout. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un arbre est debout? Eh bien, pour qu'il reste debout, il y a la gravité, vous voyez, il y a son poids. Il faut que, à chaque moment, il puisse sentir s'il n'est pas en train de partir plus d'un côté que de l'autre. Vous avez toujours vu des plantes, par exemple, qui poussent plus vers la lumière. Mais il faut quand même qu'elles respectent leur équilibre, qu'elles conservent leur équilibre. Et pour ça, elles mobilisent deux sens qui sont les mêmes que ceux qu'on mobilise nous-mêmes. C'est-à-dire le sens de l'inclinaison par rapport à la gravité. Donc elles savent de combien elles sont inclinées, et de manière extrêmement précise, c'est mieux que nous. Hein. Et d'autre part, elles ont un autre sens qu'on a découvert, j'étais venu vous en parler à l'époque, en 2014, et qui est le sens de la forme de notre corps, donc de leur corps à elles, qu'on appelle la proprioception, comme la perception de soi-même. Et alors ça se fait comment ça finalement? Alors, la proprioception, elle se fait en fait par des cellules. Alors là, on a progressé depuis que je suis venu. Ouais. On sait que c'est des cellules dans lesquelles il y a donc tout au long du corps, donc de la plante, hein, donc tout, par exemple tout au long du tronc. Et dans ces cellules, il y a des espèces de câbles, des câbles tout petits, hein, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a dans nos muscles. Ouais. Mais ils sont pas là pour faire du mouvement, c'est-à-dire ils sont pas là, mais ils sont là pour faire de la perception. Et de ce côté-là, ça ressemble un peu à ce qu'on a nous, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous bougez par exemple votre bras, il y a un muscle des deux antagonistes qui est lui moteur, c'est-à-dire qui vous donne le mouvement, mais l'autre est en train de sentir. C'est lui qui contrôle en fait, c'est par lui. Et donc les plantes, elles ont cette capacité-là aussi d'avoir des mouvements actifs et de les sentir par le biais de ces mêmes cellules qui ont des molécules qui ressemblent à celles de nos muscles. Bruno Boulia, si on regarde une forêt, finalement, on a aussi un collectif là qui vit ensemble. Donc chaque arbre, en tant qu'individu, a aussi conscience de celui qui l'entoure. Alors le mot conscience est toujours un peu délicat, donc mais effectivement, il est capable de percevoir. Les plantes sont extrêmement sensibles à leur environnement. Elles prêtent énormément d'appareils pour pouvoir sentir ce qui se passe autour d'elles. Ouais. Et elles vont pouvoir sentir au sens strict, c'est-à-dire avoir des odeurs. Et elles peuvent sentir des messages d'alerte. Donc, par exemple, nous, au laboratoire, on est obligé de... Si on sollicite une plante un peu fort, si on a un témoin à côté, on est obligé de la protéger pour pas qu'elle puisse la sentir. Sinon, elle réagit aussi. Ouais. Alors, on va écouter à nouveau Francis Allais, justement, au sujet de la communication chimique chez les acacias en particulier. Et là aussi, on voit qu'il y a des messages d'alerte. Docteur Van Hoven compare la biochimie des feuilles de l'acacia avant et après la prédation par la gazelle et il constate une transformation biochimique fulgurante. Les feuilles sont devenues en 20 secondes non pas toxiques mais impropres à la consommation. Qu'est-ce qu'il fait, Van Hoven? Il compare la biochimie des feuilles qui sont au vent avec la biochimie des feuilles d'acacia sous le vent. Eh bien, sous le vent, les acacias qui n'ont pas du tout été au contact de la gazelle, ils sont devenus impropres à la consommation. Alors là, vous pouvez tourner ça dans le sens que vous voulez. Vous n'éviterez pas la conclusion que l'acacia a envoyé un message aux autres. Vous pouvez même aller un petit poil plus loin. Vous pouvez affirmer que c'est un message gazeux puisque ça descend le vent. Voilà, le message des acacias. C'était une question d'ailleurs d'un de nos auditeurs, Jean-Paul, qui se demandait comment font les arbres pour se défendre contre les attaques des herbivores. Ben là, ça en est une illustration avec les gazelles face aux acacias, ou les acacias plutôt face aux gazelles. Oui, les deux en fait. Ouais, mais, ouais, ouais. Et c'est un jeu de qui va gagner, qui perd gagne en fait un peu. Mais oui, ça se passe pas que chez les acacias, chez toutes les plantes. D'abord, les plantes sont très sensibles à être l'attaque par un herbivore. Elles sentent très bien d'abord si on leur tire dessus, mais aussi si on les broute, si on les mâche. Ouais. Elles sont capables d'entendre par exemple les sons du bruissement, c'est cric, cric, cric, vous voyez ce que c'est, par exemple une chenille. Elles vont distinguer ces sons-là d'autres sons et savoir qu'une chenille est en train de les brouter. Et ensuite, une fois qu'elles l'ont perçu, elles vont envoyer effectivement des messages d'alerte. Et les plus connus sont des messages qui sont portés par les airs. Donc le plus connu est un gaz qui s'appelle l'éthylène. Il y en a d'autres, mais c'est le plus connu. Et c'est celui qui avait été étudié justement sur le cas emblématique des coudous. Mais qu'on rencontre partout. Il ne faut pas imaginer que c'est une histoire exotique. Ouais. C'est le charme de cette, cette fable africaine. Cette fable africaine, voilà. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment une fable qui nous parle aussi de nous tous. Enfin, de toutes les plantes autour de nous. Ouais. Ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ces messages chimiques arrivent très très vite, au fond. Dès qu'il y a une présence ennemie, on pourrait dire les choses comme ça, même s'il faut relativiser, parce qu'il y a aussi beaucoup de symbiose. Hein, il y a tout de suite cette... Ce message chimique qui est envoyé. Oui, ça oui. Ça va très vite. Hein. Ah oui, ça va très très vite. Ouais. C'est des affaires de quelques secondes, minutes. Ouais. Alors, ça commence très vite, en fait, pour que, après, ça pique autour d'une demi-heure, une heure. Vous voyez, quand même, c'est quelque chose qui va continuer. C'est le tout début va être assez rapide. Et par contre, ça, c'est transporté par le vent. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une histoire de vent aussi. C'est-à-dire que là, c'est le vent, non pas comme la chose que sent la plante, mais ce qui transporte le message vers les autres plantes. Ouais. Mais Bruno Moulia, au point d'ailleurs de pouvoir intoxiquer mortellement ces herbivores. Hein, parce qu'il y a eu un cas très particulier en Afrique, justement. Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est que quand les plantes perçoivent une attaque, que ce soit une attaque directe, c'est-à-dire qu'elles ont entendu qu'elles étaient broutées, ou que ça soit, oui, je sais, je me suis entraîné avant, et, ou alors au contraire, que ça soit un message qu'elle ait reçu d'un congénère, dans les deux cas, en général, elles vont mettre en place des réactions de défense. Donc c'est pas le gaz lui-même qui est toxique, hein. Le gaz il est pas toxique, mais par contre, elle va mettre en place une réaction de défense. Souvent c'est des tanins hyper amer, vous voyez, et surtout hyper indigeste. Ouais. Et donc l'attaquant, en général, il trouve ça pas bon et lourd à l'estomac, et donc il va manger ailleurs. Allez, la sensibilité des plantes, on en parle avec vous, Bruno Moulia. D'autres questions arrivent sur franceinter.fr. Thank you. smile. It's not right, I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right, I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold. Capitalist Blues, c'était Leila Makkala à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Allez Bruno Moulia, encore quelques minutes ensemble pour parler de la sensibilité des plantes et les questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr. Patrice nous dit ceci, les luthiers qui viennent se ravitailler en érable ondée dans les forêts du sud de la Meuse, est-ce qu'on a une idée de ce qui produit cette particularité? Pourquoi ce lieu alors pour le choix des essences? Alors je ne sais pas si c'est qu'uniquement dans la Meuse, mais effectivement, il y a, vous savez, c'est la fibre du bois, et cette fibre va faire généralement relativement rectiligne. Mm-hmm. Des fois elle est torse, c'est-à-dire qu'elle fait un tour autour, elle s'enroule en spirale autour du tronc, et des fois elle est effectivement ondulée. À ma connaissance, on ne sait pas bien ce qui détermine, c'est très intéressant de savoir pourquoi, ouais. En particulier dès qu'on est dans les ramifications, quand on passe du tronc aux branches, voyez, là c'est un peu compliqué, il faut changer de direction, et ça fait au niveau des jointures, c'est des patterns absolument magnifiques. Moi, j'adorerais travailler dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver le financement pour ça. Mais c'est vraiment intéressant. Oui. Ouais, en tout cas, les luthiers connaissent les bonnes essences. Les luthiers, ils savent très bien que c'est ça qu'il leur faut pour avoir le son qu'ils veulent. Oui. Mais on n'a pas encore toute la science à disposition pour savoir pourquoi exactement. Voilà. Hein. Est-ce que la communication entre les arbres s'accélère quand des orages se produisent, demande Jean, et comment est-ce qu'ils peuvent réagir dans ces cas de figure? C'est marrant, j'y avais pas jamais pensé à cette question-là. Alors, dans l'orage, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a souvent un coup de vent donc on a parlé avant de la perception du vent, donc ça c'est sûr qu'ils vont percevoir le coup de vent. Ouais. Puis avoir de l'eau aussi, ils vont la percevoir. Après il y a toute la question de savoir s'ils perçoivent l'aspect électrique de l'orage, et même comme on dit l'électricité statique dans l'air. Ouais. Alors comme je le disais tout à l'heure, les plantes ont une activité électrique interne, comme nous, mais je n'ai jamais vu vraiment de démonstration que c'était ça qu'ils percevaient. Ouais. Dominique nous envoie une drôle de question, il nous dit comment le philodendron arrive à envoyer ses racines dans un verre d'eau placé à 2 mètres du pot où il est planté. Alors, vous avez déjà assisté à ce phénomène ou pas? Ah non, il faudrait que j'aille chez Dominique un de ces jours. C'est une belle expérience. Alors, comme je le disais, les racines, c'est quelque chose qui doit chercher son chemin vers la source d'eau et la source de nutriments. Et on sait maintenant qu'elles sont extrêmement informées en fait de leur milieu. Ouais. Alors moi, je sais très bien, par exemple, dans le sol, qu'elles sont capables de percevoir le gradient d'humidité, d'aller vers le plus en plus humide. Mm-hmm. Au niveau de l'air, puisque là, ce sont des racines aériennes dans le philodendron, on peut imaginer qu'il y ait effectivement une perception de l'intensité d'humidité de l'air, le gradient d'humidité de l'air. Une fois, dans une expérience qu'on avait faite, je me rappelle qu'on s'était posé la question de est-ce que ça perturbait, on étudiait les trajectoires de racines, mm-hmm. et on avait fini par enlever des petits bouts de coton. Donc, probablement qu'il y a quelque chose, il y a moins d'études que sur dans le sol, parce que c'est quand même plutôt les racines dans le sol qu'on étudie. Ouais. Comment vous travaillez d'ailleurs pour observer les arbres? Est-ce que vous avez des forêts laboratoires pour les observer? Alors effectivement, l'INRA, enfin généralement d'ailleurs les instituts ont des forêts laboratoires. Nous, on étudie aussi les arbres plus jeunes, donc quand ils sont encore petits, lors de, disons de 60 cm à 2-3 mètres. Et là, on va les étudier dans des dispositifs spécifiques. Par exemple, on a un très joli dispositif qui sont des sphères de lumière, des boules de lumière. Et c'est pour étudier comment les plantes s'orientent sans s'orienter par rapport à la lumière. On pense toujours que les plantes s'orientent à la lumière, c'est la première idée qu'on a. C'est partiellement vrai, mais pas totalement. Et donc on a fait des grandes boules de lumière. Donc la lumière vient de partout. Mmh. On est très bien dedans d'ailleurs, c'est très agréable. C'est un bain de lumière et les plantes quand même s'orientent. Ouais. Nicolas nous dit, je voulais demander à votre intervenant si les arbres ressentaient d'une façon ou d'une autre les coups de tronçonneuse que je peux lui donner. Je suis élagueur grimpeur. Alors voilà, on va culpabiliser tout le monde maintenant. Vous êtes c'est une bonne question et intéressante en fait, parce que évidemment il va sentir la tronçonneuse au départ. Ce qui est sensible dans l'arbre, c'est la partie vivante, c'est uniquement une très très petite couche. Hein. Le bois à l'intérieur, c'est plus le cas. D'accord. Voilà, c'est mort, hein, le bois à l'intérieur. Donc c'est dans l'écorce que ça se passe. Hein. L'écorce, c'est un tout petit peu en dessous. Donc c'est quelques moins de centimètres, quoi. Mmh. Mais par contre, dans l'idée, je pense derrière la question, c'est est-ce qu'elles ont de la douleur? Parce que c'est deux choses différentes. Vous pouvez, par exemple, sentir quelque chose et ne une pas vibration. Voilà, et vous n'avez pas particulièrement de douleur. Et donc, ça, c'est une question un peu compliquée à répondre parce qu'on peut pas leur demander aux arbres. Nous, on nous demande toujours est-ce que vous sur une échelle de 1 à 10, voilà, hein. 1 à 10, ça y répond rien. Ouais. Et donc, du coup, la façon de faire, c'est d'aller regarder s'il y a, par exemple, des capteurs. Nous, on a des capteurs spécifiques de douleur. Pour les arbres? Non, chez nous. Ah bon? On peut regarder si chez les arbres, il y en a aussi. Ouais. Et on n'en trouve pas. Le deuxième argument que j'ai, c'est pour penser qu'il n'y ait pas de douleur, c'est le fait que la douleur, c'est quelque chose, vous savez, c'est une perception et un recodage. C'est pour ça qu'on vous demande toujours votre avis. On ne peut pas le mesurer directement, parce que vous recodez. Et donc, ça sert à forcer l'attention. Si vous avez mal aux dents, vous avez du mal à vous occuper d'autre chose que de mal aux dents. Et en fait, les arbres, ils n'ont pas ce mécanisme d'attention. Donc on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir la douleur. L'autre raison de la douleur, c'est de fuir. Et les arbres ne fuient pas. Et enfin, ils sont capables de réparer. C'est-à-dire que nous, moi, si on m'arrache un membre, j'en ai plus. Voilà. Par contre, on coupe une branche, il y a une autre branche qui va pousser. Donc les arbres, ils ont une manière de se régénérer qui nous fait penser que probablement, ils n'ont pas de douleur. Ils sont extrêmement perceptifs à tout, mais ils n'ont pas de douleur. C'est une belle vie. Hein. Donc on peut continuer à la tronçonneuse sans aucun problème, respectant quand même ce qu'on fait. Mais... Après, il y a une question de gérer correctement la ressource, ouais. Toutes des choses comme ça. Hein. Il faut pas, bien sûr. Je ne suis pas un adepte de la tronçonneuse absolue. Mais... Ouais. Bruno Moulia, juste très vite pour terminer, vous disiez qu'à l'intérieur de l'arbre, le végétal ne ressentait pas du tout les choses de la même manière qu'à l'extérieur sur l'écorce. Oui, parce que le cœur de l'arbre, c'est un bois mort. Assez inerte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, l'arbre se construit sur lui-même. C'est magnifique comme manière de faire. Et donc, il se construit autour du même. C'est une sorte de cristaux. Vous savez, l'artiste qui emballait les choses, oui. Il fait pareil. Il s'auto-emballe. Merci beaucoup. C'est passionnant. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez, Bruno Moulia, pour poursuivre la discussion sur ce thème. Vous venez donc de l'université de Clermont-Auvergne, INRA. Et merci beaucoup à vous. Merci aux questions des auditeurs. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Votre chronique revient aujourd'hui sur un sujet qui vous est cher, celui des bilans de santé. Et oui Mathieu, en matière de santé, la prévention est le mot préféré des politiques et aussi l'activité principale des médecins. Comment ça, hein ? Eh bien, quand nous vaccinons ou quand nous suivons régulièrement des patients pour leur tension ou leur diabète, nous faisons de la prévention. Mmh. Nous cherchons à prévenir les complications de ces maladies chez des gens qui ne se plaignent de rien. Bon, c'est plutôt bien ça, non ? Mais c'est plus que bien. Mmh. Cette prévention a largement participé à l'augmentation phénoménale de l'espérance de vie au XXe siècle. Mais comme pour toutes les bonnes choses, l'excès peut être dangereux. Alors, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, faire la visite d'entretien de sa voiture tous les 10 000 km, c'est très bien. Mais si je vous propose de déposer le moteur tous les 6 mois pour prévenir les pannes, vous allez refuser. Et vous refusez parce que vous comprenez intuitivement que ça risque plus de créer des pannes que les éviter. Eh bien, pour le corps humain, c'est pareil. Il y a une grosse différence près, c'est que le patient n'a pas cette intuition. Churchill disait avec humour, une pomme le matin éloigne le médecin à condition de bien viser. Mais la majorité des gens croient que plus on fait d'analyse et d'examen pour détecter les maladies, mieux c'est, tout simplement. Et ça n'est pas vrai. Et non, c'est comme pour la voiture. Faire trop d'examens est inutile, voire dangereux. C'est ce que vient de confirmer une synthèse réalisée par la collaboration Cochrane, organisme réputé qui passe au crible les stratégies médicales. La pratique de bilan de santé, c'est-à-dire de batterie d'analyse et d'examen réalisée chez des gens qui ne se plaignent de rien, n'augmente pas l'espérance de vie. Mais alors, comment c'est possible, ça ? Bah, tout d'abord, le bénéfice est faible chez les bien portants. Il y a paradoxalement peu de maladies dont le pronostic est amélioré par une détection précoce en l'absence de symptômes. En revanche, de nombreux nodules cancéreux disparaissent tout seuls, c'est très fréquent, et si on les découvre à l'occasion d'un bilan de santé, on traite à tort des gens qui n'en auraient jamais souffert. C'est le cas notamment pour le rein, le sein, la prostate ou la thyroïde. Et puis enfin, d'autres maladies se soignent aussi bien une fois leurs symptômes apparus, comme le cancer du testicule par exemple, et leur détection précoce est alors sans intérêt. Donc, en pratique, les maigres bénéfices des bilans de santé semblent annulés par leurs inconvénients, car ces bilans n'améliorent pas l'espérance de vie. Mais alors on fait quoi ? Mais oui, docteur, la médecine préventive doit avant tout reposer sur l'hygiène de vie, bien sûr, sur la vaccination, au moins celles qui sont utiles, et sur la recherche ciblée des facteurs ou maladies dont le bénéfice du dépistage est validé par la science. Alors c'est essentiellement l'hypertension artérielle, le cancer du côlon, le cancer du col de l'utérus, éventuellement le mélanome. D'autres dépistages peuvent se justifier aussi chez des sujets qui sont exposés à un risque spécifique. Et donc, la réponse à la question initiale est non. Autant les examens ou analyses orientés par des symptômes sont précieux pour le diagnostic du médecin, autant les batteries de santé, les batteries d'examens systématiques chez les bien portants sont inutiles. Voilà, et c'est très clair. Merci beaucoup Dominique Dupagne, chronique à réécouter sur franceinter.fr.